Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'un des plus grands drames de l'histoire de l'alpinisme, la tragédie du Fresnay. Le 11 juillet 1961, une cordée de 7 hommes, emmenée par l'Italien Walter Bonatti et le Français Pierre Mazot, escalade un sommet rocheux dans les Alpes. Après plusieurs jours d'efforts, et alors qu'ils touchent presque au but, ils sont pris au piège d'une violente tempête. Naufragés à plus de 4500 mètres d'altitude, par moins 20 degrés, nos 7 alpinistes sont contraints de bivouaquer dans des conditions dantesques. Épuisés, éreintés, et pour l'un d'entre eux blessés, ils vont faire preuve jusqu'au bout d'une solidarité hors norme, d'un courage exemplaire et d'une détermination qui force le respect. Mais la montagne va se révéler cruelle. Noyés dans le brouillard, aveuglés par la nuit et saisis par le froid, au terme d'une aventure périlleuse de 5 jours et de 5 nuits en enfer, seuls 3 alpinistes redescendront vivants. Aujourd'hui, plus de 50 ans après les faits, la tragédie du Fresnay continue de hanter les mémoires alpines. Notre invité aujourd'hui, l'historien, spécialiste de la montagne et alpiniste lui-même, Yves Balut, auteur notamment de « La montagne sous presse, 200 ans de drames et d'exploits », paru aux éditions du Mont-Blanc l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrer, réalisation Coyenne Guyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est tout Pierre Mazot. C'est qui là, dis donc ? Les potes, on peut aller au sommet ! Samedi 8 juillet 1961, massif du Mont Blanc, 3650 mètres d'altitude, ciel bleu, temps clair. En ce début d'après-midi, 4 copains prennent la pause devant la porte du refuge de la Fourche. À 1 mètre 2, le déclencheur automatique d'un appareil photo immortalise la scène. C'est qui là, dis donc ? C'est tout Pierre Mazot. Ça y est. Sur la pellicule, développée plus tard, nous sommes encore loin de l'ère numérique, on trouve ce cliché avec les visages des 4 hommes. Ils sont souriants, ils se bousculent, ils semblent heureux. En haut à gauche de la photo, à moitié caché par ses camarades, on distingue le plus jeune d'entre eux, Antoine Vieille, 22 ans. Grand espoir de l'alpinisme français, il a déjà réalisé d'impressionnantes séries d'ascensions aux quatre coins des Alpes. Et comme d'habitude, Antoine est accompagné de son partenaire, l'aspirant guide Robert Guillaume. Sur la photo, difficile de le rater, Robert. Il s'est mis au milieu et, comme de coutume, il fait le pitre. Mais derrière son apparente décontraction, celle d'un jeune homme de 26 ans, se cache un grimpeur d'exception, capable d'affronter la montagne en toute saison. Comme le confirme une autre légende de l'alpinisme, Lionel Terray. De tous les grimpeurs que je connais, Robert Guillaume est peut-être celui qui rassemble en lui le plus grand nombre de qualités physiques et morales. Il a la force, l'adresse et le courage des plus habiles varapeurs. Il a la résistance, le sens de la montagne, la capacité de souffrance et le sens de l'organisation des meilleurs alpinistes. Il y a aussi chez lui cette volonté de vaincre qui, seul, engendre des prodiges. Toujours sur la photo, aux côtés d'Antoine et de Robert... Guillaume, voici leurs 2 autres camarades, 2 amis inséparables, 2 parisiens qui, animés par une profonde passion, ont fait de la montagne leur terrain de jeu. Eh bien, le premier, c'est Pierre Coleman, 25 ans, l'un des meilleurs grimpeurs d'escalade libre de l'Hexagone. Le second, doyen de la bande et auteur de nombreuses ascensions périlleuses, c'est Pierre Mazot, 32 ans. Voilà, la joyeuse bande s'apprête à quitter le refuge de la Fourche pour rejoindre le sommet du Mont Blanc par sa face sud. Autrement dit, en empruntant un sommet rocheux jusqu'ici invaincu, le pilier central du Fresnay. Depuis la ville italienne de Courmayeur, lorsque le ciel est dégagé, le Mont Blanc offre à ses visiteurs un spectacle grandiose. Sur sa partie haute, une muraille à la couleur ocre entoure le sommet. Cette ceinture rocailleuse, abrupte, saignée de fins couloirs de neige, c'est le Fresnay. À la jumelle, son pilier central ressemble à une redoutable flèche de granit qui se dresse vers le ciel. Un colosse de pierre, comme l'écrit Pierre Mazot. Le Fresnay, c'est une pyramide de 700 mètres de haut, dont le sommet talonne la pointe sud du Mont Blanc. On peut le diviser en 3 zones. La première se constitue d'une pente inclinée, composée de rochers et de glace, assez technique. La deuxième, très abrupte et très rocheuse, se révèle très dangereuse. La troisième, la plus haute, est verticale comme un mur. On ne peut la franchir que par des moyens artificiels. Toute erreur ici est interdite. En cet été 61, le pilier central du Fresnay fait figure de Graal pour les alpinistes du monde entier. C'est en effet le dernier passage invaincu par l'homme dans sa conquête du massif du Mont Blanc. À deux reprises, déjà, des expéditions menées par des grimpeurs de renom s'y sont frottées. Des jours durant, la bataille sur son immense paroi de glace et de rochers a été féroce. Mais à chaque fois, la montagne a fini par l'emporter et les alpinistes ont dû renoncer. En cet après-midi du samedi 8 juillet, un soleil brûlant inonde les sommets des Alpes et, par la même occasion, la terrasse en bois du refuge de la Fourche. Pierre Coleman, Antoine Vieille, Robert Guillaume et Pierre Mazot vérifient leur matériel. L'envie d'aller grimper les dévore. Alors, corde, piolet, piton, mousqueton, crampon, ok. Tente, bivouac, sac de couchage, grand froid, doudoune, pull en laine, lampe frontale, réchaud à gaz, ok. Car une fois là-haut, chacun de ces objets sera indispensable pour aller au bout. Après une longue sieste, notre groupe d'alpinistes quitte le refuge aux environs d'une heure du matin. À la faveur de la nuit, avec le gel, il est plus commode de traverser les couloirs de neige. Et surtout, le risque d'avalanche diminue. Mais dès les premiers mètres de marche, la progression est rendue difficile par l'épaisse couche de poudreuse. Au lever du jour, après plus de 5 heures d'intenses efforts, Mazot et ses compagnons aperçoivent une masse de nuages noirs côté italien. Alors pour éviter de se retrouver sous l'orage en pleine ascension, les 4 Français décident de rebrousser chemin, de retourner au refuge. Et si la météo le permet, eh bien ils tenteront leur chance de nouveau la nuit prochaine. Dimanche soir, après une journée d'attente au refuge de la Fourche, le réveil sonne. Il est minuit. Mazot, Coleman, Vieille et Robert se préparent. Alors qu'ils profitent d'un dernier thé chaud, ils entendent soudain des bruits métalliques et des voix à l'extérieur. Puis la porte du refuge s'ouvre, 3 hommes vêtus de matériel d'escalade entrent. Dans la semi-obscurité, Pierre Mazot aperçoit le visage de l'un d'entre eux. C'est le guide italien Walter Bonatti, un alpiniste dont le nom s'affiche souvent en une des médias pour ses exploits, comme ici, quelques semaines plus tôt, sur France Inter. Âgé de 31 ans, Walter Bonatti est l'un des meilleurs guides du monde. Il a commencé très jeune à satisfaire sa passion pour l'alpinisme et l'on dit qu'il aurait forgé lui-même ses instruments indispensables à la varap. En 1949, l'escalade des Grandes Jorasses par la face nord. En 1950, le Grand Capucin du Tacul. En 1951, il gravit le K2 qui est le second sommet du monde dans l'Himalaya. Et en 1955, l'éperon sud-ouest de l'aiguille du Dru est franchi en 6 jours. Il porte d'ailleurs son nom maintenant. On peut également parler du grand pilier d'angle du Mont Blanc et du couloir du Gusfeld. Aux côtés de Bonatti, un autre guide italien, Andrea Gioni, accompagne un client très expérimenté, Roberto Gallieni. Entre les Français et les Italiens, les discussions s'engagent. Et c'est la surprise lorsque les deux groupes se rendent compte qu'ils partagent le même objectif, l'ascension du pilier central du Fresnay. Sans hésitation, les 7 hommes décident de joindre leurs forces. Dans l'excitation du moment, on élabore un plan d'attaque du glacier. Et moins d'une heure après cette rencontre imprévue, Français et Italiens se mettent en route. Six heures plus tard, les premiers rayons de soleil balaient la cime des Alpes. Après avoir parcouru plusieurs centaines de mètres de dénivelé, échappé aux pièges mortels des crevasses et aux chutes de neige des séracs, sorte de blocs de glace, après avoir également escaladé des barrières de rochers, la corde des franco-italiennes arrive au col du Peuteret à plus de 3900 mètres d'altitude. En face, Bonatti, Mazot et leurs 5 compagnons voient le pilier du Fresnay. Avec la lueur du jour, l'impressionnante montagne et son glacier apparaissent tellement beaux. Tellement âpre. S'ensuit une marche d'approche de plus de 2 heures. Puis l'ascension commence jusqu'au premier ressaut. Certaines dalles de granit font plus de 40 mètres de haut. Ici, plus encore qu'ailleurs, une corde mal assurée, un piton mal planté ou un mousqueton mal verrouillé, et c'est la catastrophe. Alors, les uns derrière les autres, dans un ballet silencieux et millimétré, tels des funambules, alpinistes français et italiens progressent sur l'abrupte paroi du pilier. Vers 16 heures, après un ultime combat pour franchir une cheminée vert glacé, Pierre Mazeaud arrive en haut du premier ressaut. Il est rejoint par le reste du groupe. Et décision est prise d'installer le premier bivouac. Robert Guillaume, lui, réalise un cliché vertigineux. Sur une plateforme rocheuse d'à peine 2 mètres sur 2, il photographie Pierre Coleman, Antoine Vieille et Pierre Mazeaud assis dans leur sac de couchage, le dos contre la falaise. Attachés par une corde à la paroi, leurs pieds flottent dans le vide. Derrière eux, au loin, on discerne les montagnes entourées d'une mer de nuages. L'instant est paisible, l'instant est joyeux. Pierre Mazeaud confirme. À 19h, les réchauds s'allument. Nous chantons des chansons de Montmartre ou du Val d'Aoste. Le temps est splendide. Froid de surcroît. Nous dominons le glacier du Fresnay. À gauche, à 2 pas de nous, le col de l'Innominata. Au loin, le Grand Paradis. Brume de bon augure, j'échange quelques mots avec Walter Bonatti. Aujourd'hui, tout s'est déroulé sans encombre. Si tout se passe comme prévu, après-demain, nous sortirons au sommet et fêterons notre victoire en redescendant vers Chamonix. Mardi 11 juillet, il est 3h30 du matin. Les alpinistes se réveillent, ils se préparent, Français et Italiens pestent contre le froid, tous attendent déjà avec impatience l'arrivée du soleil. Une demi-heure plus tard, le groupe repart à l'assaut de la paroi gelée. Aujourd'hui, c'est Walter Bonatti, assisté de ses camarades Occhioni et Gallieni, qui prend la tête des opérations. Les Français fermeront la marche. Devant, les Italiens installent cordes et étriers sur la roche. La montée, disons, technique, difficile par endroits, pas le temps d'admirer le paysage. Mais pour un bagarreur des cimes comme Walter Bonatti, c'est un régal. Ainsi, les heures passent et le soleil arrive. Les alpinistes grimpent en silence à un peu plus de 300 mètres de dénivelé. Vers 14 heures, Pierre Mazeaud, alors dernier de cordée, entend des cris. C'est Bonatti. D'en haut, le guide italien hurle. À la troisième reprise, Mazeaud comprend que le ressaut terminal est en vue, autrement dit, les derniers 100 mètres avant le sommet. Au prix d'un immense effort, Mazeaud grimpe, s'accroche, franchit une arête, puis se hisse à la hauteur du guide italien. En haut, on aperçoit effectivement le sommet, mais on voit aussi le ciel, il est couvert. Décision est prise de se poser sur une plateforme de roche et d'envoyer 2 éclaireurs pour équiper la suite du parcours. Une heure plus tard, pendant que les Italiens, aidés de Robert Guillaume et d'Antoine Vieille, préparent le bivouac, 40 mètres plus haut, Pierre Mazeaud et Pierre Coleman escaladent la paroi. Mazeaud est sur ses étriers, en plein vide, il plante des pitons. Lorsque soudain, il entend un son strident. Puis, la douleur s'est mise à remonter dans mes doigts. Des flamèches ont commencé à courir sur mon marteau. En bas, Bonatti me hurle de redescendre car l'orage arrive. Je tente de faire au plus vite, mais je suis alors envahi par les nuages. Un vent violent me chahute et la grêle me frappe le visage et les épaules. Alors que j'arrive à hauteur de pierre, un éclair d'une étonnante lueur le frappe au visage, exactement à l'oreille où son appareil auditif se noircit. Il tombe dans mes bras. Je le redescends et nous nous occupons de lui. Pris dans un violent orage à plus de 4600 mètres d'altitude, nos 7 alpinistes se réfugient sous la toile vinyle de leur tente bivouac sans même les déplier. Non, ils s'en servent comme bâche pour se protéger de la pluie. Pierre Mazeaud, aidé par ses compagnons, allonge Pierre Coleman à l'écart, sous une toile de tente. Coleman souffre, silencieux. La foudre a grillé son sonotone et l'a rendu sourd. Pierre Mazeaud vient lui faire une piqûre de glucose pour éviter qu'il ne fasse un malaise. Sous une autre toile de vinyle, s'agglutine Mazeaud, Vieille et Guillaume. Un peu plus loin, les 3 Italiens, Bonatti, Occhioni et Gallieni, sous la toile de la dernière tente. Tous sont assis dans des positions inconfortables, près du vide. Autour d'eux, la luminosité baisse et le tonnerre gronde. Les éclairs s'enchaînent et très vite l'angoisse, oui. Oui, la peur de la glissade, de la chute ou d'être électrocuté s'empare de chacun. La nuit qui suit est horrible. Personne n'arrive à dormir. Chacun attend, dehors, enfin, tout autour. Et la tempête fait rage. Mercredi 12 juillet. Le ciel est toujours recouvert de nuages sombres, mais il ne pleut plus. Maintenant, c'est la neige qui tombe en abondance. Au loin, le grondement des avalanches rappelle que le danger est bien là. Après avoir déblayé la neige, Français et Italiens s'installent pour manger. La discussion s'engage. Que faire ? Durant l'été, le mauvais temps ne dure pas. À la faveur de quelques heures d'éclaircie, les alpinistes pourraient rejoindre le sommet du pilier qui se trouve à peine à 80 mètres au-dessus de leur tête. Une fois en haut, ils longeraient l'arête et passeraient sur le versant français. Ensuite, ils rejoindraient sans encombre le refuge du Vallaud. Voilà. À l'unanimité, on décide d'attendre que le beau temps revienne. Alors, les hommes discutent pour passer le temps. Walter Bonatti fait preuve d'un très grand calme. Son attitude rassure ses compagnons. Mais le soir même, les espoirs de nos alpinistes s'estompent lorsqu'autour d'eux, l'orage reprend, encore plus violent. Jeudi 13, vent, neige, froid, le triptyque tant redouté se répète. Les sept alpinistes passent une nouvelle journée confinés sous les toiles de leur tente tout juste dépliée. Ils ont presque épuisé leur réserve de nourriture et commencent à ressentir les premiers effets de la déshydratation. Alors, tous veulent croire que demain, vendredi, tout ira mieux, que le soleil fera son retour, que ce sera la fin des souffrances et avec elle, la montée vers la victoire. En cet après-midi de jeudi, en bas dans la vallée, que ce soit à Chamonix ou à Courmayeur, les familles et les amis des alpinistes s'inquiètent. Au refuge de la Fourche, un guide a retrouvé un mot écrit à la main par Walter Bonatti. « Sommes partis dans la nuit de dimanche à lundi avec la cordée des quatre Français. Ferons ensemble l'ascension du Fresnay. » Côté italien, une caravane de secours est partie la veille pour retrouver Bonatti et ses compagnons d'infortune. Joint au téléphone par le RTF, un guide de Courmayeur témoigne de l'avancée des recherches. On a vu des nouvelles à 10h30 que j'étais monté au col du Fresnay. On n'a vu rien et on n'a entendu rien. Est-ce que le temps est très mauvais? Il est très mauvais, oui, il y a de la neige, et à Courmayeur il pleut et là-haut il neige. Est-ce qu'il est impossible d'essayer des secours par voie aérienne? C'est impossible, monsieur, pour voir rien. Impossible. Il y a le brouillard juste à 2000 mètres. Bon, merci. Terminé, Courmayeur. Vendredi 14 juillet, il est 1h du matin. Perdus sur leur plateforme rocheuse à une altitude de 4600 mètres, nos sept alpinistes se réveillent tétanisés par le froid. Dehors, tout est gelé et la neige continue de tomber. Tout autour, il fait nuit noire. Chacun allume sa lampe frontale. Les faisceaux se perdent dans la nappe d'un épais brouillard. Pierre Mazot tente de grimper la paroi. Après quelques mètres, il doit se rendre à l'évidence. Il n'a plus aucune force dans les bras et sa progression est rendue quasiment impossible par le vent qui le chahute comme une pendule. Il s'entretient un court instant avec Walter Bonatti. Il faut se résoudre à l'impensable. Redescendre, oui, à abandonner l'ascension pour sauver leur vie. Alors dans l'urgence, les alpinistes laissent le gros du matériel sur place. On ne récupère que cordes et mousquetons. La descente commence. Walter Bonatti passe le premier. Je suis en seconde position. J'attends frigorifié en lui assurant la corde. Walter plonge dans le vide et nous prenons sa suite. Chacun en silence. Pris au milieu de la tourmente, nous ne voyons pas à plus d'un mètre. Pourtant, il nous faut faire vite, aller vite. Conscient que la précipitation pourrait nous conduire à la catastrophe, Walter impose le calme. Pendant presque une heure, Pierre Mazot reste en arrière pour assurer la descente de ses camarades. Les pieds dans la neige, le visage meurtri par le vent froid, il s'accroche coûte que coûte à la corde qui lui glisse par moments entre les mains. Puis, à son tour, il descend. La marche reprend, avant qu'enfin ils n'atteignent le col du Peuteret. Derrière nous, une véritable tranchée, marque de nos souffrances. Celle de sept bêtes humaines devenues muettes, aux gestes automatiques, qui malgré tout veulent vivre et revenir de ce calvaire. Déjà 15 heures, le ciel se couvre. Français et Italiens installent le bivouac au col dans une grande crevasse et se préparent à passer une cinquième nuit en montagne. Sur le visage des sept compagnons d'infortune, la fatigue des derniers jours a laissé des marques profondes. Sur l'une des dernières photos prises par Robert Guillaume, on voit la mine désespérée d'Antoine Vieille, joue creusée, regard absent. Lui, d'ordinaire si courageux, semble résigné. Cette nuit-là, sous la tente, les hommes tremblent et claquent des dents. Leurs vêtements sont durcis par le gel. Dehors, les bourrasques frappent la toile de la tente. À cet instant, le plus éprouvé du groupe semble être Pierre Coleman. Depuis son électrocution par la paroi lors de l'orage, il est quasiment sourd. Il communique par des gestes avec ses camarades. Un moment, il montre sa main à Bonatti. Elles sont noires, gelées. Le guide italien lui donne sa gourde d'alcool à brûler pour qu'il puisse les masser et les réchauffer. Mais Coleman, qui n'entend plus rien, croit alors qu'on lui tend quelque chose à boire. Il porte la gourde à sa bouche et commence à boire plusieurs gorgées. Bonatti lui arrache des mains. Nuit noire et bivouac infernal à 3900 mètres d'altitude. Sous la toile de la tente, Andrea Oggioni se tourne vers Bonatti et lui dit Walter, faisons un serment. Si nous nous en tirons vivants, nous oublierons à jamais l'existence du pilier. Bonatti incline la tête d'avant en arrière. Bonatti approuve. Dans les cordées en difficulté, il y a aussi trois alpinistes français, tous très expérimentés, dont le professeur de droit Pierre Mazot. Notre correspondant à Grenoble, Jean-Marie Poncetti, va nous donner des précisions sur ce qu'ils essayaient de faire. Eh bien, par le pilier central du Fresnay, ils entendaient atteindre le Mont Blanc. Le pilier central du Fresnay est un énorme monolithe de granit à peine fissuré qui se dresse vertical contre le versant italien du Mont Blanc. On peut dire que ce sont six des plus grands alpinistes du moment qui sont actuellement en difficulté sur le versant italien du Mont Blanc. samedi 15 juillet 1961. Il est 3h30 du matin lorsque l'alarme de la montre de Walter Bonatti se met à sonner. Pierre Mazeaud se redresse et sort la tête à l'extérieur. Dehors, le vent souffle, la neige tombe, on ne voit strictement rien. Conscient que désormais leur temps est compté, Mazeaud réveille un à un ses compagnons. Épuisé par 5 jours et 5 nuits en altitude, nos 7 alpinistes décident de s'attacher les uns aux autres avec une seule corde. Et ensemble, ils partent dans la nuit noire et dans le brouillard affronter leur destin. L'Italien Bonatti est devant. Cet endroit, il le connaît bien. Des situations de danger comme celle-là, il en a tellement vécu. Alors, qui mieux que lui peut les sortir de ce piège ? Dans les pentes raides, recouvertes par plus d'un mètre de neige, Bonatti trace la route. Derrière, les autres suivent. Mais chaque pas est un supplice. Chaque mouvement est une lutte contre l'épuisement. Après une traversée périlleuse, le guide italien arrive au niveau des rochers Gruber. Les alpinistes se regroupent. Bonatti descend en rappel, puis assure l'arrivée de ses camarades de cordée. Il ne voit donc pas le drame qui se noue quelques mètres plus haut. À l'arrière, Antoine Vieille, le Benjamin du groupe, vient de s'effondrer dans la neige, inconscient. Pierre Mazeaud et Robert Guillaume tentent de les réanimer, rien à faire. Le corps d'Antoine remue de quelques soubresauts, puis s'immobilise, mort. Robert pleure. Je lui demande de descendre. Je reste seul avec le corps inerte de notre compagnon. Walter, qui a compris, vient me rejoindre. Nous entourons Antoine dans une toile de tente. Ce sera son linceul. Je plante le clou où il restera accroché. C'est le plus beau tombeau, là, au pied du pilier. Inondés de larmes, Walter et moi, nous nous dévisageons. Désormais, notre drame a sonné son glas funèbre. Malgré la peine, malgré la douleur, la descente se poursuit. Un calvaire. Rappel après rappel, les alpinistes suivent les marques laissées par Walter Bonatti. Pour lutter contre la fatigue, ils décident d'abandonner le reste du matériel, tente, duvet. Chacun ne garde avec lui que quelques pitons et mousquetons, juste de quoi rejoindre le refuge de Gamba. Dans l'après-midi, après plus de 10 heures d'un effort infernal, Bonatti croit entendre des voix qui viennent d'en bas. Alors, tous ensemble, les alpinistes hurlent pour signaler qu'ils sont là. Mais la tempête étouffe leurs cris. Alors, la marche reprend sur le glacier. Elle semble interminable. Pas après pas, sous les rafales de vent, nos 6 alpinistes mènent un combat héroïque contre la fatigue. Alors qu'ils progressent sur le glacier, Pierre Mazeaud fait une chute sur le côté et se retrouve enseveli. Pierre Coleman, pourtant mal en point, se précipite et il chute à son tour. Les deux hommes finissent par se relever en s'aidant l'un et l'autre et s'en sortent avec plus de peur que de mal. Devant, Walter Bonatti, lancé tel un automate, avance sans s'arrêter et permet au groupe de ne pas perdre trop de temps. Le guide italien répète inlassablement les mêmes gestes, avec calme, avec précision. Après plusieurs heures, la cordée redescend à 3200 mètres d'altitude et approche d'un petit col à gravir, l'Innominata. C'est le dernier obstacle sur la route du refuge Gamba, 600 mètres plus bas. À ce moment précis, je suis à l'arrière de la cordée. Robert est à mes côtés. Il est assis dans la neige. Il tente dans un effort vain de retrouver des forces. Walter m'appelle, je pars le rejoindre au devant et je l'aide à équiper le passage du col. Après quelques minutes à planter des pitons, j'entends des cris. C'est Andrea Ogioni. Je m'arrête et me précipite vers lui. Il hurle « Robert ! Robert ! Robert !» Je comprends qu'un malheur est arrivé. Je remonte là où j'avais laissé mon compagnon. La tempête m'aveugle, je cherche, mais je ne vois rien. J'appelle. Aucune réponse. Cette fois, je comprends. Robert a disparu à jamais. Deuxième drame en une journée. Mais pour les 5 survivants, pas le temps de s'arrêter, encore moins de se recueillir. La nuit se rapproche à grands pas, et sans tente de bivouac ni sac de couchage, le froid aura raison d'eux. À bout de force, exténué, Andrea Ogioni tente de se hisser par le passage du col de l'Innominata. 20 minutes passent. En haut, Bonatti attend dans un silence lugubre. À ses côtés, Gallieni et Pierre Coleman. À eux trois, ils ont beau tirer sur la corde, ça ne donne rien. Alors Bonatti comprend que son camarade Giovanni n'ira pas plus loin, qu'il faut le laisser là, avec Pierre Mazot, lui aussi mal en point, et foncer chercher les secours, au refuge. Bonatti crie de toutes ses forces à ses deux amis de ne pas bouger. En bas, Mazot aperçoit les ombres de Bonatti, Gallieni et Coleman disparaître dans la tempête. L'alpiniste français enlace de ses bras Giovanni pour tenter de se réchauffer mutuellement. Autour d'eux, la tempête redouble. Dimanche 16 juillet, minuit. Mazot et Giovanni sont toujours accrochés à la paroi du col de l'Innominata. Ils attendent l'un et l'autre la délivrance, sans force et sans conscience. Giovanni parle de sa vallée, de sa région, de ses montagnes. Puis il s'arrête, les membres engourdis par le froid, le visage brûlé par le vent. Il s'est endormi, il ne se réveillera plus. Je suis désormais seul. Deux de mes compagnons sont morts, le troisième vient de vivre ses derniers instants. J'ai peur du silence, de la tempête et de cette mort qui rôde à mes côtés. Que se passe-t-il en moi-même ? C'est l'inconscience totale. À certains moments, je réalise. Je vois un mur noir, froid, couvert de glace. J'attends sans attendre. Je pense au terme de ma lutte que je souhaite proche. Le jour se lève enfin au loin. J'attends encore. Walter n'y est peut-être pas arrivé. Je vais donc mourir ici. C'est là qu'au sommet du col, j'aperçois des hommes. Je crois à une hallucination. Je crie. Ils viennent me chercher. Pierre Mazot est extrait de son cercueil de glace vers 3h du matin. Porté par les secouristes, l'alpiniste français titube jusqu'au refuge de Gamba. Sur place, il y a du monde. On l'installe au chaud, à l'intérieur, on lui donne à boire, on lui change ses vêtements. Mais ce que veut Mazot à cet instant, c'est voir Bonatti. Le guide italien est là, allongé un peu plus loin. Non loin, il y a aussi Gallieni. Mais Pierre Coleman, hurle Mazot, où est Pierre ? Les yeux de Bonatti sont pleins de détresse lorsqu'il raconte ce qui s'est passé après qu'ils se sont séparés au col. Pierre Coleman, dit Bonatti, était devenu un danger pour lui-même et pour nous. Il ne respectait plus aucune règle de sécurité. Il prenait tous les risques. Il prononçait des phrases incohérentes et gesticulait sans cesse. Puis Bonatti raconte, ému, que, à un moment, Roberto Gallieni a fait tomber l'un de ses gants dans la neige. Après l'avoir ramassé, il a mis sa main sous son anorak pour se réchauffer. Coleman a alors cru que Gallieni voulait sortir un pistolet. Il a écarté les bras, puis il s'est précipité sur Gallieni. Il l'a fait tomber en arrière. Roberto et moi avons alors dû ceinturer Pierre et l'attacher avec des cordes pour le maîtriser. Et nous l'avons laissé là. Lorsque les secours sont venus le chercher, il était mort. À son tour, Bonatti éclate en sanglots lorsque Mazot lui apprend que son ami Andrea Giovanni est mort dans ses bras. Épuisé par la fatigue, les deux hommes s'allongent, s'endorment. C'est pour eux la fin du calvaire, mais c'est aussi le début des cauchemars. Le lendemain matin, sur France Inter, le lieutenant-colonel Le Gall annonce la fin des opérations de sauvetage. Ici le commandant de l'école de haute montagne de Chamonix. Bonatti et Gallieni ont été récupérés, évacués sur Courmayeur et sont vivants, sont bien. Giovanni est mort. Le troisième est mort. La cordée française, Mazot, récupéré à Courmayeur, bien aussi, Guillaume. Sont morts tous les deux et n'ont pas pu être récupérés. Quatrième, Coleman, est mort en arrivant au refuge. Il a été descendu sur Courmayeur. Mais les caravanes de secours sont rentrées au refuge. Elles redescendent sur Courmayeur. De toute façon, il n'y a plus personne. Dans les jours qui suivent, le récit de la tragédie du Fresnais fait la une de la presse nationale des deux côtés des Alpes. À Chamonix, à Courmayeur, le traumatisme est réel. Famille, amis, alpinistes recueillent face à cette montagne qui leur a pris l'un des leurs. À l'hôpital de Lyon, les journalistes se pressent au chevet de Pierre Mazaud pour tenter d'obtenir des précisions nécessaires, parfois sordides, souvent. Dans leur récit après l'événement, Pierre Mazaud, Walter Bonatti et Roberto Gallini raconteront tous de la même façon ce qui s'est passé. Ils sont partis ensemble, ils ont tout fait pour rentrer ensemble, ils n'ont pas pu faire mieux, ce n'était pas possible. Bilan, 4 morts. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, 5 jours et 5 nuits en enfer, la tragédie du Fresnay. Notre invité Yves Balu, bonjour. Bonjour. Historien, spécialiste de la montagne et alpiniste vous-même, vous êtes auteur notamment du livre La montagne sous presse, 200 ans de drame et d'exploit, paru aux éditions bien nommées du Mont Blanc l'an dernier. C'est un très très beau livre, on va en reparler tout à l'heure. Alors, on l'a déjà évoqué dans le récit, mais pourriez-vous revenir avec votre œil de professionnel sur les caractéristiques de ces piliers du Fresnay? On peut dire très schématiquement que l'histoire du Mont-Blanc, elle a commencé en 1786, à une époque où on cherchait à aller au sommet du Mont-Blanc, et on cherchait à y aller par la voie la plus facile. Mmh. Après ça, on a répété cette ascension, puis on a trouvé que c'était un peu monotone, et donc les alpinistes ont cherché une autre façon d'arriver au sommet du Mont-Blanc, des voies plus difficiles, et de plus en plus difficiles. Et en 1961, la voie la plus difficile qui restait, c'était le pilier du Fresnay. Plus difficile pourquoi ? Parce qu'en fait, d'une part, c'est une course dans une course. C'est-à-dire que pour arriver au pied de cette ascension, il faut déjà faire une ascension compliquée, monter, descendre, dans des endroits difficiles. Et arrivé à cet endroit-là, on se retrouve à une altitude de 3800 mètres, 4000 mètres, et là on aborde une ascension extrêmement difficile, des parois qui sont monolithiques, avec, c'est-à-dire très peu de prise, du granit compact, et à 4000 mètres d'altitude. Et le problème, c'est que si on a des difficultés, s'il faut faire demi-tour, il faut refaire en sens inverse les deux ascensions. Et c'est notamment la première, et qui est constituée de montée, de descente, etc. Et c'est l'histoire de ce drame. D'accord, donc c'est un chemin extrêmement difficile, y compris pour des alpinistes chevronnés. On l'a vu, ils sont pas à l'abri que les choses tournent mal. Est-ce que c'est toujours aussi difficile aujourd'hui ? Parce que j'imagine qu'entre 1961 et aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans d'âge, hein, on a amélioré peut-être les techniques, ou est-ce que c'est toujours aussi difficile ? Alors, on n'a pas amélioré les techniques, c'est toujours aussi difficile, mais y en a qui arrivent à le faire en solo, intégral. Ah ouais. Alors ça veut dire quoi ? C'est l'évolution de l'alpinisme, l'histoire de l'alpinisme. Mmh. Quand c'est une première, il y a une inconnue. Il faut chaque mètre découvrir la façon de gravir et résoudre le problème suivant. Est-ce que c'est possible ? Mais quand on répète une ascension, on sait que c'est possible. Et à l'avance, on connaît les difficultés. Donc on peut s'entraîner et se préparer à ces difficultés et progressivement arriver à les résoudre plus facilement, de plus en plus facilement. D'où ce paradoxe que cette voie est toujours aussi difficile, toujours aussi raide, toujours aussi compacte, mais que certains très très doués et très gonflés arrivent à la faire en solo intégral, sans assurance. Alors, il faudrait s'entraîner dans les conditions réelles, les pires qu'on puisse rencontrer. Il aurait fallu s'entraîner avec la tempête. Enfin, je dis ça comme ça, mais pensez-vous que, et c'est ce que semble dire le récit de cette histoire, que l'ennemi, il n'y a pas d'autre mot, il y a des morts quand même, ça a été la tempête. Est-ce que c'est d'ailleurs le danger le plus fort quand on fait une escalade, quand on gravit un sommet comme ça, est-ce que la tempête, le vent, constitue le pire des dangers ou pas ? Alors, je vous pose des questions de béotien, je ne suis pas du tout spécialiste. Alors d'abord justement, parler d'ennemis... Oui, ennemis entre guillemets, parce que ça c'est la nature. La nature n'est jamais l'ennemi, mais là, on va dire l'adversaire. Non, l'alpiniste, il choisit d'aller en montagne parce qu'il a envie d'y aller, donc il ne faut pas qu'il se plaigne après ça qu'il a affaire à un ennemi. Donc il va en montagne et il va parce que... Mais je retire. Non, je dis ça parce que c'est la terminologie militaire et guerrière est souvent employée à mon aviateur en montagne. Bon, en l'occurrence, alors... Et la difficulté, c'est quoi ? C'est que si on fait le parallèle avec une autre histoire dramatique dans laquelle Bonatti a été mêlé aussi, l'affaire Vincent des Henri, vous avez raconté. Vous savez bien. Voilà. Et donc en 56, c'était en hiver. Alors là, c'est en été. Ouais. On se croirait en hiver. Hein. Ils ont pas de chance. Mais ça se passe en été. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Une tempête en été. Ouais. La pluie. À 4000 mètres, c'est de la neige. Ouais, bien sûr. Et la neige, elle va où ? Elle va là où c'est le plus facile, c'est-à-dire dans les couloirs, dans les goulottes, etc. Les alpinistes, c'est là qu'ils vont aussi. Autrement dit, quand on redescend, à l'occurrence, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, redescendre cette voie, ils ont emprunté les couloirs de neige et les goulottes de neige, tout ce qui avait été rempli par la neige, parce que c'est là où la neige se met de préférence, et c'est là, malheureusement, où il faut que les alpinistes passent. Donc, ils ont eu froid, et ils ont dû affronter des conditions difficiles, notamment d'enneigement. On est bien d'accord, c'est pas une erreur de stratégie. Ils sont obligés de passer par là. Mais c'est là où la neige passe, on est bien d'accord. Non, alors là, on peut pas parler d'erreur, parce que, d'abord, ils étaient de très bons alpinistes. Oui. Ils étaient parfaitement capables de réussir. Du reste, ils ont été interrompus par la rouage à quelques dizaines de mètres, c'était pas loin, deux fois longueur du haut de la chandelle. Donc ils étaient quasiment, c'était quasiment fait. Sauf que, il y a eu cette orage terrible, soudain, et deux, que contrairement à ce qui se passe habituellement, cet orage a duré plusieurs jours. Et c'est très rare en été qu'un orage dure plusieurs jours. C'est la raison pour laquelle, du reste, ils ont, dans un premier temps, décidé d'attendre en disant « c'est pas possible, ça va s'arrêter ». Et dès que ça s'arrête, eh ben on va terminer les quelques longueurs qui nous restent. Sauf que ça s'est pas arrêté. Oui, il n'avait pas prévu la météo de façon plus précise, à quelques jours ou alors, avant de partir. En 61, on n'avait pas la météo sur des téléphones intelligents. Oui, on n'avait même pas de téléphone intelligent d'ailleurs. On n'avait pas du tout de téléphone intelligent, il n'avait pas cette météo. Non, et... mais en bas, avant de partir, il y a quand même des prévisions météorologiques à plusieurs jours. Oui, mais ils n'avaient évidemment pas prévu cet orage, ouais. Puisque en alpiniste chevronné, qu'ils étaient tous aussi bien du reste Mazot que Bonatti, ils n'auraient pas pris ce risque. Ils ont été vraiment surpris. Tout le monde a été surpris par cet orage. C'était pas prévu. Parlons un peu des hommes, Mazot et Bonatti. On va commencer par Bonatti, par Mazot d'ailleurs. On va écouter ce que Pierre Mazot pense de lui. Nous sommes alors en 1967, un peu plus de 6 ans après la tragédie du Fresnay. Que représente Walter Bonatti pour un montagnard comme vous ? Je considère, parce que je l'aime beaucoup bien sûr, mais je tiens à rester objectif, que Walter Bonatti est à l'heure actuelle le meilleur alpiniste du monde. Qui, en plus, est doté d'une qualité tout à fait particulière, c'est qu'il est très prudent et qu'il ne va jamais à l'encontre du danger. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord déjà ? Quand vous dites Walter Bonatti, c'était le plus grand. Oui. Ah, bon. Ben, je partage cet avis. Et, en tant qu'historien, je me permets d'affirmer que pour moi, Bonatti est très probablement le plus grand alpiniste qu'on ait connu dans l'histoire. Alors, avec l'avantage et l'inconvénient. Mmh. L'avantage, c'est que Bonatti, il a écrit l'histoire de façon extraordinaire. Il a été l'auteur de très grandes premières. Et il a sauvé beaucoup de monde. Il a sauvé, Vincent Drouin-Henry, dans un premier temps, il les avait sauvés avant qu'ils se séparent. Et là, il a sauvé quand même Mazot et Gallieni. Sans eux, il serait jamais redescendu vivant. Mais le revers de la médaille, c'est que Bonatti, il apparaît comme invincible. Autrement dit, quand on part avec Bonatti, on a l'impression que rien ne peut arriver. Mmh. Parce qu'il est indestructible. Il a survécu à tellement de choses. Donc c'est comme un aimant. Et donc on peut être tenté, c'était le cas du reste de Vincent Drouin-Henry, c'était le cas aussi certainement de cette équipe de Français, se dit, avec Walter, ça se passera forcément bien. Et je vais même plus loin. Les secours ne se précipitent pas. Quand Walter Bonatti est en montagne et qu'il y a Il y a 48 heures de retard par rapport à ce qu'on attendait. On se dit c'est pas grave, s'il on est là. On ne précipite pas. Ouais. Attendez, mais c'est même un affront. Aller secourir Bonatti, ça peut être considéré comme presque obscène. Donc je veux dire, c'est le revers de la médaille, c'est que quand on est avec Bonatti, on a toutes les chances d'être pris en charge et d'abord de pas se perdre, parce que le Mont Blanc, c'est son jardin, il le connaît parfaitement. Même dans la tempête, il retrouve son chemin. Donc on se dit avec Bonatti, on est sûr d'arriver à bon port, mais quand vraiment c'est pas possible, Bonatti, à ce moment-là, on se précipite pas pour aller le secourir. Ce qui est grave d'ailleurs, en l'occurrence et dans le cas qui nous intéresse, est-ce qu'on peut dire que le fait que Bonatti fait partie de la cordée a retardé les secours ? Est-ce que vous dites ça en général ou pour cette histoire-là ? Oh, j'irai pas. Pour cette histoire, c'est difficile parce que on n'a pas tous les détails. Mais d'une façon générale, Bonatti n'aurait pas été dans le coup. Il est tout à fait possible que les secours soient intervenus plus tôt. Sachant que, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage, les secours aériens n'étaient pas possibles puisqu'il faisait pas beau. Et donc, l'hélicoptère ne décolle pas quand il y a la tempête et quand on n'y voit rien, l'hélicoptère ne peut pas décoller. Donc, la seule solution, c'était les cordées terrestres. Et probablement que, on peut imaginer que les cordées terrestres seraient déclenchées probablement plus tôt si on s'était pas dit, bon, Walter... Voilà. Bon. On peut imaginer ça. Pierre Mazot, on peut en parler aussi. Pierre Mazot, un grand bonhomme, un grand bonhomme pas seulement en montagne du reste, mais un grand bonhomme en montagne. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, un grand bonhomme, dans votre esprit ? Eh ben, ça veut dire quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses. Et on a tendance, quand on regarde un côté du personnage, à oublier l'autre côté. Autrement dit, aujourd'hui, on retient de Mazot, l'homme politique, qui a une carrière quand même assez importante, impressionnante. Et on oublie qu'il a été un grand alpiniste. Et quand on parle de lui comme alpiniste, on oublie que qu'il va devenir aussi, après ça, un homme politique de premier plan. Et en tant qu'alpiniste, il a fait des choses très, très importantes. Il a grimpé, notamment avec des maisons. Et il a fait des hivernales. Il a fait des grandes courses. Donc il était tout à fait en mesure de réaliser cet exploit, du reste qu'il a presque réalisé. Donc on ne peut pas parler d'imprudence du tout, en l'occurrence, ni pour Mazot, ni pour ses compagnons, qui étaient de forts grimpeurs. Alors je dirais, forts grimpeurs, pas tous des forts alpinistes. Faut bien faire la part des choses. Mmh. Grimper, c'est-à-dire être capable d'avoir des gestuels très techniques et de gravir des passages extrêmement difficiles. Mais ces passages extrêmement difficiles, c'est pas la même chose quand on est à Fontainebleau, ou que ce soit une falaise d'une centaine de mètres à 150 km de Paris, au bord de Lyon, ou à 4000 mètres d'altitude. Oui, j'imagine. Oui. La même difficulté, elle n'est pas aussi. Elle n'a pas la même dimension. Elle n'est pas la même dimension quand on est en altitude, quand on est dans le froid, quand on est loin d'une retraite possible. Ouais. Alors que à Fontainebleau, quand on loupe un passage, on tombe sur le sable de 3 mètres de haut, on se fait pas mal et on recommence. Le Freinet, on ne recommence pas tout de suite. Alors, vous me dites Mazot, un grand bonhomme, Walter Bonatti, on l'a dit au niveau de la carrière, mais vous l'avez rencontré, hein, l'Italien. Vous l'avez rencontré. Alors, quel homme il était? Quel homme il est quand on le rencontre comme ça? Bonatti, c'est quelqu'un de très attachant parce que c'est un adolescent. Il est resté jusqu'à la fin de sa vie un ado. C'est-à-dire une grande sensibilité, donc très sensible à la fois à l'amitié, mais très sensible aussi aux critiques. Et il y a eu dans sa carrière des moments où il a été critiqué, notamment Vincent d'Henri, le Freinet aussi. Mmh. On l'a critiqué, pas beaucoup, mais le peu de critiques qui sont arrivées à ses oreilles l'ont beaucoup touché parce qu'il était extrêmement affecté par tout ce qu'on pouvait dire de lui. Tête brûlée, on disait. Ah non, pas tête brûlée, non. Non. Bonatti, pas tête brûlée. Ouais. Ah non. Bah, si tête brûlée, il aurait pas jamais. Pas trop audacieux, je veux dire. C'est... Non. Ah non. Bon. Bonatti, c'est pas trop audacieux. Ouais. Il a réussi des choses tellement. Et il est mort dans son lit. Bonatti, il n'est pas mort en montagne. Ouais. Et il a, en 65, il a dit j'arrête. Il a arrêté comment? Il a dit je vais faire encore une dernière première. Il a été au Cervin, la face nord du Cervin, il a ouvert en solitaire et en hivernal une voie de très grande difficulté. Il a dit j'arrête. Donc il savait effectivement quand s'arrêter, il savait ne pas transgresser les frontières du raisonnable, quoi, c'est alors, ça. Alors évidemment, quand donc on pas tête brûlée, on est bien d'accord. Quand on est en montagne et qu'on survit au bout d'un certain nombre d'années, forcément qu'on a un peu de chance, parce qu'en montagne c'est pas une science exacte. Mais statistiquement, je dirais comme que Bonatti, c'est pas tout à fait par hasard s'il est mort dans son lit. J'imagine que Bonatti et Mazot ont très mal vécu cette expérience. D'abord parce qu'il est mort, c'était un traumatisme. Mais ensuite, par rapport à l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, ces deux-là, par rapport à la philosophie qu'ils avaient de l'alpinisme, comment est-ce qu'ils ont vécu ce drame? Comment ils ont vécu le fait qu'à un moment, ils soient morts en montagne, morts de leur passion? Comment ils ont vécu ça, psychologiquement, si vous savez peut-être... J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'il faut que je sois à leur place. Oui, bien sûr. Pour vivre la mort d'un être cher, parce qu'ils étaient très liés, notamment Coleman et Mazot étaient vraiment très proches. Et Ogioni est mort dans les bras de Mazot. Donc voir mourir quelqu'un de façon aussi proche, dans des conditions aussi dramatiques, et quelqu'un qui on a... J'entends bien, d'un point de vue humain, j'entends bien, mais le fait que la montagne, qui est leur passion, devienne le théâtre d'un drame humain comme ça, comment ils l'ont vécu? Mais ils le savaient à l'avance, ils savaient bien. Mmh. Des drames, il y en a eu avant celui-là, il y a eu d'autres drames, ils savaient parfaitement, ça fait partie du jeu. La montagne, c'est ça. S'il n'y avait pas de drame en montagne, ça n'aurait pas d'intérêt. J'ose le dire. Mmh. Et je pense que ces drames... Tout précéder ce qui arrive, ça donne une certaine puissance à l'événement. Et je pense que c'est ce que recherchent les alpinistes. Bien, merci beaucoup Yves Balut. Donc ce livre est très beau, La montagne sous presse. Parfois les alpinistes sont sous pression, la montagne peut être sous presse. Donc c'est en fait, ce sont des gravures et puis des textes autour de ce que les journaux ont publié autour de la montagne. C'est dommage parce que j'en avais repéré une, j'ai mis une feuille, là, vous savez, puis j'ai perdu. Bon, ça montre la propagande de Mussolini, par exemple, à travers la montagne. C'est un très beau livre. J'en profite pour vous signaler que vous pouvez également retrouver sur la page Affaires Sensibles une de nos fictions consacrées donc à l'un des personnages de cette histoire du Freinet, Walter Bonatti. L'émission s'appelait Walter Bonatti, la signature effacée. Elle remonte à juin dernier. Merci beaucoup, Yves Balut. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.